Les délégués à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont visité le Palais du Soleil de Gongsun pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.